Thank you.

Je le rappe haut et fort. Pas besoin d'effort pour te succomber. Appelle-moi car je suis tombé comme dans un putain de précipice avec toi. Appelle-moi et je me précipite. Où tu veux, appelle-moi. Je rate mon froid en bougeant les bras sur du raton. Et quand ils ratent, ils font sur moi. Je tombe de bas car mon karma est comme une girouette de carton, garçon. Les poupailles en poudre me servent moi dans l'ordre. Mon esprit part en couille. Baston et mépris ça concourt. Une passion à l'action, je détruis ça sans foudre. Je m'en fous grailler. Je bouffe pas de la semaine mais je suis enfouraillé. Au cas où ça dégaine, fouraillé. T'es qu'un constat trop soumis. Ne crois pas trop me soumettre, moi je suis déjà trop gros au soumet. C'est facile d'être violent, beaucoup moins d'être sincère. Ne pas mourir, ce n'est pas ça que le médecin sert. On peut tous finir, l'âme dans les viscères, de partir à l'asile pour un problème d'hémisphère. Quand la folie nous guette, on nous trompe. C'est pas joli, mais c'est vrai, mec, c'est concret. Un jour, les démons viendront tenter. Je ne sais, mon padre est à l'âge pénitent. Depuis que j'ai vu que c'est psyché de lui, j'ai même douté. C'est le psy qui délire, pourquoi l'écouter? Avant il me dit mais quand t'es fou, t'es excès ton fou, dès que tu vois même pas que des rencontres. Et à l'ouest, loin, solitaire, oh, comme un putain de cow-boy sans les vaches. Un agriculteur sans les terres d'Amérique sans les sioux et les apaches. Pas rajouter du côté obscur de la force, pas rassuré de passer pour le bain, brûler la face à cause de la part. Rapide, j'ai vécu des trucs pas paranormaux, la part, là, dont y'a dans le cerveau. Mais je n'ai plus peur de la mort. J'ai dompté et compté les secondes à l'approche du sort. La vie c'est fort, mais y'a rien de côté. Ça fait clipper plus de clipper tous les petits bouts de tes clipper, c'est le clip complet. Made in France, peur de la peur pour la peur, par la peur de la mort. Alors qu'au final on y passe tous. Je n'ai plus peur de la mort. J'ai dompté et compté les secondes à l'approche du sort. La vie c'est fort, mais y'a rien de côté. Viens faire un tour de l'autre côté. Vas-y, choisis la mort ou la folie. La folie pour gâcher ta vie, voir de l'autre. Faut passer sa morolie, non, viens faire le tour de l'autre côté. Faut capter, c'est passer la morolie, la folie. Hein, la folie pour gâcher ta vie. Jette un œil dehors, ciel gris, sale temps, orage éclatant, pour aujourd'hui c'est mort. Donc je mets le son fort et le lyrique c'est tapant. Pas tant, partant, je te le dis, j'ai pas le temps pour la monnaie, pas le temps pour les bijoux, pas le temps pour te donner, je peux trouver pour un bisou, pas le temps pour les trophées, hein. Puis j'ai pas les jambes de zizou, un gros bonnet, c'est ça, et moi j'ai pas le temps de filer. J'ai pas le temps pour ta connerie là. T'as pendu un 16, mais moi je te dis qu'appelle-moi papy. Pardon pour l'inceste, pardon si j'insiste. Mon son, un zeste. Si t'en tabasse que wasabi, ça pique, mais vas-y, t'existe. Tu veux du bad zombie? Non, j'ai pas le temps. Je suis malade de ma vie, mais bon, j'ai pas le temps. Tu veux que ça aille vite? T'es fanatique. Le rap, c'est pas de la magie. Tu t'agites, mais moi j'ai pas le temps. J'avais du temps à perdre, puis c'est même pas le cas, j'ai un truc important à faire. Trouver un endroit où t'es pas là, un pompé l'air. Faut que j'aille au frigo, chercher une canette, faut que je trouve un bureau. D'ailleurs, en parlant de ça, t'as pas un tête, vas-y, n'est pas mon poro. Ce soir c'est la fête, mais ne me parle pas trop, s'il te plaît. Tu prends la tête, moi, je vais aller bouger les bras, brûler les gras. On jaille sur de la fin, car plus de bibap, loula. Donc bouge de là, bout de cas. Moi je ne risque pas, non, je ne suis pas bouteflika. Je suis un type normal, il paraît, mais j'ai la saveur. Un type banal, mais je viens d'ailleurs. Je t'ai que ça, tu le sais. Demande à ta sœur, je suis qu'un type normal, c'est vrai. Mais le meilleur, le meilleur des types normaux. Toujours chaud derrière le micro. J'ai zappé de réveil, sérieux, ça fout les boules. Il faut que je bouge pas ton pour bouffer. Dans un café, je fous les bouchées doublées. Tous les jours, les fous, les fours, des boulettes. Pour les oulets, pour les oulets. Je suis calmé, doux, les bourrés de fou. Je vis à la coulée, elle fait stresser. Plus douce de la coulée, plus de retard, je dois encaisser. Pendant que je roule, dans la vaisselle s'en passe. Même quand j'ai full time, j'ai fini toujours pressé. Pas le temps de respirer, il me faut des clopes et ça va fermer. En rentrant, je finis mon 16 et ça va faire mal. L'horloge est fort, mais elle va falloir faire vite effort. Mais je foutrais bien quelques têtes de voix concises dans le fort, moi le vite fait. Sinon après, je vais encore courir. Pourtant, j'ai pas de taf, ni d'animal à nourrir. En plein rush de la naissance, son dernier soupir. Faut mourir, faut lever le pouce en l'air et sourire. We'll be right back. oreilles et détends-toi. Étends-toi, t'entends la vibe, étends-toi. Admets que tu trouves ça bête, mais que malgré toi tu bouges la tête. Mais que laisse-toi faire, on est là pour te plaire. Oublie donc tes galères, vois comme notre univers te libère. C'est Ninjam pour l'instru, Bilbo au micro. Le morceau, on a lu dans nos cerveaux. Et dans vos cerveaux, vu que le son passe pas, comme à l'époque où je ne rappais que devant ma glace. Alors monte le son dans ton casque, yeah. Toi au flot tu t'as grippé. Moi le bab tout bas je pose et tu commences à flipper. Je murmurais ton cerveau fond. Vu comment j'assure un siphon. Fond mes diverses natures, les choses se passent à fond. Ma cam est pure et t'aspire comme un siphon dans ma tête gravite. Des millions d'idées, mon cerveau va trop vite, obligé de le brider. Faut que t'arrêtes là vite. Si tu prends du bide et ton cerveau à toi finira vidé. Tes oreilles ont redemandé, les spirales au fond de tes yeux me font dire que ton monde bataille pour trouver mieux. Et ainsi te sauver de mon flot, ôte ce mal fou, éteindre ces mille feux avant de devenir fou. Listen to you, tell me that the hurt is flat. Just to say, tell me life is sweet and I'll do the beat. You squat my head, don't you want to squat my bed? Please do it, baby, all night long, go ahead. Thank you. Okay. J'ai beau pas rapper pour les meufs et le cash, il en faut, mais là je te parle pas de monnaie. Non, là je te promets que même pour une bonne paire de seufs et plein de haches, c'est faux. Je vais pas me cartonner, il va gardonner, je suis un type tout doux. Je frappe pas mes caresses, malgré ma paresse, mes rap t'as réparé, ça ce qui paraît, je suis fou. J'ai de la malice, mais pas de ralice, m'en fous, je veux juste ma mise. Je rappe pour le love, je suis même pas anti-police. Y'a des CRS pacifiques, dès qu'on est pas si flic que ça, j'app, je te sauve, Mimis. Oh, dans ton crâne profond, dans ton cœur, je glisse. Fais que je rappe pour le love, Miss. Des fois, j'ai l'impression que j'ignore. Fils, je rappe pour le love, Peace. Appelle-moi rap Safari. Moi, j'aime pas ça quand ça tape Safari. Mais je t'ai dit pour que tu bouges ton tafanari. Quatre faces faciles et les rats passent charri. Mais quand tu cherches un vrai MC, abracadabra, j'arrive. Bad. Quand mon nom est j'apparais, même si magique. Travailler plus pour profiter moins de la vie. C'est une ténèbre dans la nuit, sans mon humble avis. Je sais que t'as fait, je suis pas un caveau. Mais travailler pour travailler, bravo. Est-ce que tu gagnes, est-ce que tu mérites? Est-ce que tu vis comme tu mérites? Non, profite, hein, médite. Je fais juste partie d'un engrenage assassiné. Chaud de l'eau en bouteille et des nouvelles fins. Mais t'es dingue, tu vois pas qu'ils font de toi une balle tringue. À la fin du mois, c'est qui fait la preuve? Le système, tu veux le grossir? We'll be right back. combien est peuplé de cramés, pas armés, mais psychopathes. J'ai plein de mêmes et quelques carmés. Pas trop s'alarmer, il a mon graveyard. Bienvenue à Saint-Sar, bienvenue chez nous, accroche-toi à tes cheveux. Une fois tombé dans notre trou, tu vas en prendre plein les yeux. Y'a des paillettes dans l'air, ça roule de fête sévère. Vas-y, calme-toi, pépère, on va te faire le son et la lumière, le goût et les couleurs, des vertes et des panures, dépasse les 20 km/h. Si tu viens en voiture, mais vas-y, bouge. Tu vas moins vite que les crevistes, t'as les yeux rouges. Pourtant, c'est le soleil ou le pastis, bienvenue là où il faut. Bande de touristes, j'habite 8-4-4-9-0, pas du tout, triste au contraire, smiler. Les fabricants de rimes, il faut se lever de bonheur et arrêter la frime, mais c'est un sac. Appelle une marche pour réparer vos ducats. T'as pas notre âge, t'es loin du niveau du plus mauvais de chez nous. Retourne tout en haut de ta carte de France. Ici c'est le sud et il fait chaud avec ton t-shirt. Lève les bras bien haut quand sur le beat. Fleur, le faux beat, B-I-L-B, je te présente. À la maison qu'il passe moche, je suis beau même en saison. Car il est gravé dans ma peau, une âme blême. Petit patin, chromé, peuplé de cramé, pas armé, mais psychopathe. Y'a pas de mêmes et quelques carmés. Pas trop salamé, une âme blême, ouais. Y'a mieux à Saint-Saint, y'a trois types qui pensent qu'à côté et de tu vaux rien. De beaux qui lancent et regardent, ils ne prouvent rien trop. Qui voudrait ma place, ta meuf, un palace, du fric, neuf ou une tasse dans chaque teuf, y'en a beaucoup trop. Qui croit pouvoir m'avoir, mais c'est qu'on a ce foire, mais ça même pas que c'est moi qui tiens la barre. Allez, barre-toi, je me marre, tu fais la tronche. Tu coules dans la merde, faut croire, mais moi je fais la planche. Et la maîtrise, je l'ai, la méthode, je l'ai. Il suffit que je crie, freeze, vous restez con, je l'ai le niveau. Je l'ai le cerveau, je l'ai. Les MC sont des gros, ne font que tété. Je l'ai nourri de mon sang comme une putain de vache à lait. Produit du terroir, la qualité, je l'ai nourri. Je roule du talent. Tu connais Bilbo Bayon, celui du son qui vient dans moi, ce gardien de province. Je te promets, c'est trop bon. Pareil que l'entendre prêcher, c'est comme piocher des bonbons. Que quand il rappe, ça fait chanter les abeilles, marrer les oiseaux, ça donne des couleurs aux arc-en-ciel. J'ai entendu dire que c'était le chouchou d'Obama qui taille des menhirs, qu'il avait même connu Oussama. Y'a peut-être du faux dans Oussama, quoi, mais je serais pas étonné d'un point qui connaît le dame et dame. Bilbo Baggins, ça dit. Non, mais sérieux, c'est qui ce gars? Appelle-moi Walter White. Au début j'étais gentil, pas là pour fight, pour débusquer les bandits. Au rythme j'taffe, y'a trois dégoûter les hommes. Mais faut pas que tu flyes, moi j'fais que découper des nantis. Appelle-moi Baggins, tu connais le blaze. Le hobbit là, tu ne peux copier pour le phraser. Dis qu'il est naze si tu le trouves d'occasion. Mais esquive-moi quand l'extase viendra t'écraser. T'as pas un bout de feu, un paquet de clopes, ça te fera l'affaire. Vas-y, trouve-moi un bout de crayon, non, tu sais plus quoi faire. Branche le mic, trouve un beat qui déchire. Ou un truc qui claque, là j'ai trop besoin de lui faire plaisir. T'as zéro rabat, j'ai les oreilles des personnes passagées. Pas âgé, caragé, c'est pas la peine, c'est déjà sacragé. Passer partage avec vous, des morceaux magiques et des gros bédos d'amnésique. C'est ça qui me fait marcher. Yeah. Ouais, c'est ça qui me fait marcher. Au fond des ordures, ma violence est interne. Et ça vaut mieux pour tes dents. Fais gaffe quand même, mes phases ont déjà cassé des tympans. Essaye de me berner et je te montrerai mon talent. Tes oreilles sont cernées. T'entends déjà le son qui détend. Call me babyface. Me suis déguisé en trompe. Et t'as croisé un type sympa. Maintenant ta famille est en deuil en mode combat. Quand ton titi, ma rancune ne me pousse pas. Ou je t'enterre sous une dune. Le temps m'a rendu intolérant. À force de passer, il a repassé mes sentiments lessivés. D'esquiver tout le temps et c'est ce qu'il fait. Que c'est l'heure de l'affrontement, marchant de sourire. On a fait péter ma boutique, le temps de reconstruire. Petit changement de mazi, quelques temps. C'est du sang qui coule de mon biquet, t'entends. Tu peux tester mec, on t'attend, vas-y viens, viens. Regarde tout ce qu'on peut faire. tourner des putains de leçons. Continuez à piquer toute la journée. Continuez à piquer toute la journée. S'appliquer, pratiquer, donner tout ce qu'on peut. Soit des rimes ou des mieux. J'ai mon impro, c'est pas forcément facile. Faut trouver le flow, trouver pas rester docile. Même pas c'est pépère si je te dis que je suis pas anglophone, c'est moins dit, mais normal, kicker dans ma langue natale et donner ce que je peux, hein. Kicker, kicker ça, mon vieux. Yeah. Le beat change comme si c'était un. Même si contre DJ 1. Je ne sais quoi dire là, hein. Ok. Thank you.